quitter le refuge, se retrouver seul juge, s'est déballé ses mal avec sa morale au cœur du crâne. Faut pied sur le bon rocher, que faire pour évoluer avant cet équilibré. D'être parti sans guide, s'être calé dans un ride, on devient vulnérable au pied d'une falaise infranchissable. Je n'ai pas vu le ciel, toutes ces pensées me perdent de mes tours branchées lenteurs. Je le sais que la route va s'accentuer et que le doute va arriver. Mais je le sais, tu t'en doutes, qu'on va te donner et que quoi qu'il en coûte, on arrivera au sommet. Après une étape près d'un chalet d'alpage, le torrent qui s'assèche dans la côte rend cette quête originel. Un guerrier en adré, plein soleil sur les dangers, admire mes restes aux aguets. La marche sur les eaux, les pas qu'il faut croiser. Crois-tu que ce dévers pourra, si je le gêne, scier mes revers? Dans les crampons, cordage, stage, abordage, abordage, le platier fera le partage. Mais je le sais que la route va s'accentuer et que le doute va arriver. Mais je le sais, tu t'en doutes, qu'on va tout donner et que quoi qu'il en coûte, on arrivera au sommet.